monde malade, toute la nuit, la souffre. Je ne peux pas venir un docteur qui voudrait des maladies ça. Mais la Bible t'a parlé, je te conduis, c'est menti. Mais si nous ne pas remarquer, et qu'on a la terre qui lève pas tout. Mes amis, causez-moi des chaises. Comité Tête Ensemble sous SIDA, ça nous relève Haitian Coalition on AIDS là, à fond causé à nous sous maladie, y aurait les AIDS là. C'est département la santé dans la ville New York qui aide comité à faire causer ça à nous. L'offre de temps d'élite, nous demandons ou à passer cassette là, bah y a l'autre monde pour le capable tendel. Et moun ça, lui-même l'elva vin tendeli, la passe le bah y a l'autre. Comité haïtien a gen longtemps depuis la tende parler sous AIDS. Gen moun qui relève la maladie moa ou bien maladie qui de yoa, gen ou paquet bonne cause ou à tende. Et c'est pas toute cause que nous tende pour nous quoi. C'est peut-être ça. Coalition haïtien sous SIDA apprend tout moyen possible pour faire causement ça avec nous. Gen moun jou konye ki sonje les CDC te di haïtien gen pi pli chance pour prendre maladie AIDS là. Gen longtemps depuis pour causer ça parler. Jodi a nous konnen gen 127 pays côté moun a souffri ak maladie. Aux États-Unis seulement gen plis passe 33 000 moun ki gen AIDS. Et nan parmi yo, 20 000 deja mouri. C'est vrai, nou pas d'accord ak CDC, lèl te deklare se haïtien ki gen plis chance pou pran maladi AIDS la. Haïtien, tankou tout lot moun ka gen AIDS, de pil mette l'anjan pou maladi a rentre sou li. Bon, kite kantike, pran priye, sa maladi AIDS sa yé même. Entre 1980 et 1981, nèg savé qui gen connaissance dans la science yo, rive découvrir maladie a nan chache. C'est une maladie qui mettait corps nan un état côté li pa ka résister devant ken infection encore. Maladie a vini ak yon virus yo rele HIV. Le virus sa chita nan san, li détruit tout bagay ki ka protéger corps contre toute qualité infection. Maladie sida apparaît sous plusieurs formes, tant que pneumonie, cancer sous peau, diarrhée, ou vin piti, ou kap gen mal gorge, et puis yon tout sec, ak an pil lot infection ki komplike. C'est yon maladie ki fè ou gen an pil infection, lot moun ki bien yo, pa ka gen. Mais yon bagay important, nou dwe konnen sou maladie a. Sida, c'est une maladie qui entre sous ou, son pas senti rien. Li commence à faire ravage l'encore depuis les gemmes nan entre sous. Ou ka bay l'autre moun maladie a, même là ou poko sorti rien. Sida son maladie qui capable prendre 10 ans avant de paraître sous. C'est peut-être ça ou doit prendre toute précaution capable prendre pour pas entrer sous. Sida c'est pas maladie garçon makoumè à moun qui prend drogue seulement lié. C'est maladie tout moun, à tout ti moun li pa épayé. Gen kèk moun ki pa ganyen sida jan nou explike la. Yo développé ARC. C'est une forme maladie a ki moins grave. Mais ARC kap toune AIDS. Nan sans sa, li kap tou yo tout. D'après toute étude qui fait, nous avons plusieurs façons pour moun ka pran maladie a. Tant qu'on en sang, nan déchaï, nan fait l'amou, nou vle di beau, prend langue, toute qualité contact sexe ou capable gagner ak yon patne qui déjà gen jèm maladie a. Avant 1985, te gen an pile question sou zafè sang moun maladie a presevwa dans l'hôpital. Eh bien, depuis scientifique ont découvert test ELISA pour détecter germ sida sans yo ba dans l'hôpital yo assuré. Yo testé tout sang avant yo ba moun malade yo. Gen an pile moun ki peur malade ki gen sida. Ou pa ka bran virus sida ni lo visite un malade ni leur parler avec lui et ni leur prendre soin. Nous songe nous sont dit maladie a pas épargné ni petit bébé. Eh bien, c'est la maman petit bébé a qui prend maladie. Mais qui j'en s'est arrivé? Si une maman gen jem maladie pendant l'enceinte, li capable passer le bay petit là depuis dans ventre. Li capable bay petit là jem maladie nan passage. Et puis le capable bay petit là jem maladie nan bal tété. Si ou a protéger tête tout, ou a protéger petit tout. Papa, c'est nous mal élevé si nous soulever toute parole ça yo. Si vous voulez croire moi. Si vous pas comprendre qui Jean, yon moun prend sida, ou kap mette tête ou la position pour prendre tout. Pitié pour nous Seigneur. Si nous pas ouais trop tard, que le monde déjà condamné. Avec sida ça mes amis, mettant pile moun à réfléchir. Garçon qu'on y a perdu, vie au même, yo père garçon. Mes amis, nous ka dit sida c'est une maladie grave. Dès pour prendre, c'est mettre babou à la trempe parce que wap mouri. C'est pas paix, n'a faux paix. Mais nous obligés ba ou information nan bon timamite. Ça nan menon, c'est li ki pao. Pas oublier, c'est ou maladie kap touye fi kou garçon, ti moun tou. Ki te m raconte non ti koze. Nou gen yon fami, maman, papa ak de pitit. Maman apprend li pran jèm nan depuis l tan ansente. Le yo fè test pou papa, yo wè li gen jèm nan tou. Mais yo pa konnen ki les nan yo ki bay lòt li. Le madame nan akouche, yo te konprann ti bebe a pa tab gen rien, et ben ti bebe a tombe malade sou 3 mois. Infection commencé gaillé dans col de jour en jour li vinn pi mal. Eh ben nous wè ça qui passé ti bébé a, nous tout comprendre. C'était une tristesse. Famille a mouri debout. Famille te gen pile problème. Entre yo là, yo mal à l'aise. Yo met tête yo a pas. Gen de lè, youn rayi lòt. Parce qu'il y a cherché qu'on est qui est-ce qui fait l'autre ça. Et puis tout problème l'argent c'est pas parlé. Maladie a coûté cher. C'est gros tête chargée. Au cap dans des moun a parlé de l'autre groupe qui gen sida. Paré de camper sous ça. Protéger tête ou ak moun qui cher à ou. Depuis 5 ans, coalition haïtien sous sida a fait effort pour travailler à la communauté haïtienne. Sous affaire sida. C'est pour ça que fait yo offri communauté haïtienne un service gratis pour faire prévention, pour informer et pour aider tout le monde dans la communauté. Nous ka faire réunion pour enseigner moun ki jan pour protéger santé ou ak santé famille ou contre AIDS. Nous distribuer toute qualité information qui gen sous AIDS. Nous bay moun ki besoin capote, capote pour servir. Relez-nous dans 718 855 09 72. Ou pas besoin bay non. Ou ka brele chaque jour. Toujours kon moun la ki pale lang maman ou ki ka pale avec ou. Nou ka fè arrangement pou visite ou le soir tout sou besoin. Conseil sou symptôme ou pense ki indike kou ka gen infection virus ak sida. Bureau nou ouvert de lundi à vendredi de 9h à 5h. Nous avons fait arrangement pour visiter le soir avec le week-end tout. Pas oublier, téléphone nous c'est 718-855-0972. Cause AIDS, c'est un bagage pour tout le monde mais pour éliminer le passage j'aime ça de l'un à l'autre. Là. Ça qui est plus important, c'est pas quitter l'entrée sous. Prends précaution. Tant que nous dit la caille nous, l'amour averti patouille kokobi. Si c'est comme ça, nous mettons suspend vers l'amour. Situation grave, mais gain espoir. Gain un examen sans qui montrer si vous êtes exposé à sida. Test ça gratis. Au cal prendre dans département santé publique New York là. li confidentiel tout. Pa bliye, test sa pa vle di ke ou gen AIDS. Men li di si ou te expose ak virus ki bay AIDS la. Si test la positif, ki vle di li montre virus la te renkontre ak san, ou kapab infecte lot moun menm si ou pa malade. Si ou vle pren test sa, rele 718-485-81-11. 718-485-81-11. Pa bay non. Et puis tout, y a bon un numéro pour identifier ou. Lor vin pren résultat. Nous-mêmes, nous conseillons ou pour joindre avec yon moun qui pour préparer ou pour prendre Tesla et en même temps tout, lor fin prendre Tesla qui pour tout bon conseil tout. Compatriotes haïtiens, frèm yo, sèm yo, nous gen responsabilité tête nous ensemble avec ti moun n'ap élevé yo. Qui donc nous devons prendre toute précaution pour empêcher maladie ça tomber sous nous avec petite nous. Mais des trois petits conseils n'a ba ou si toutefois ou gagnez un petit ménage ou bien ou ap sorti ak yon zami ou bien ou gen madame ou bien ou gen monsieur. Premier bagaille pour qu'on ait maladie sida par itate. Sou gagnen un seul patne ak li sel ou en a fait. Li même tout ak ou même sel li en a fait et puis nous yon pa jam te kwaze ak jem sida, nous met couché jan nou vle, nous pa kabab pran jem sa. La nature est volée. Sida koto sorti. Cherchez qu'on est moun ou en a fait avec l'IA bien. Si vous avez plusieurs l'autre partenaire, réfléchis bien avant de quitter relation avec l'IA branché. Et si toutefois vous décidez en affaire avec lui, ça veut dire quitter l'amour branché, c'est pour servir avec yon capote. Gen pile moun qui pa vle servir à capote pour toute qualité raison. Mwen kap di ou gen plus ke 260 haïtiens ki mouri deja la nan New York la. Ou bien yo pa konnen sa pou te fè pou protéger tèt yo, ou bien yo pa pran sida au sérieux, ou pa ka gade figou moun pou di si l'infecté ak virus sida. De toute façon, servi ak un capote. Mande patnè ou pou l'servi avec yon capote. Et puis on doit additionner dans capote là crème qui gain monoxynol 9 là la donne crème ça li capable détruire germe sida ou cap acheter capote dans pharmacie dans tout l'autre petit magasin yo bien fermé dans plastique c'est à caoutchouc fait pas serré côté qui gain gros chalet mettez capote là avant plaisir ou brancher depuis même garçon dit li cap facilement dérouler capote là. Gen ou ti espace nan kek kapote nan point yo. Pa kite le entre nan ti reservoir sa. Se la déchaye la apre chita. Pa jam servi ak yon kapote de fwa. Chache gen information sou maladi ya. Chak jou gen yon nouvel ki paret paske yo toujou continue a fè étude sou maladi sida. Plus ou gen information, se plus ou ka proteje tèt ou ak fami ou. Si ou remen tèt ou, ou remè fami ou remè zanmi ou protéger yo tout. An nou fè yon ti révision sou sa nou sot di la. AIDS se yon maladi ki krasé résistans ou ki fè ou gen infection. Se yon virus ki bay sida. Se nan san, déchay, nan bagay yo servi pou pran drog nan la riyan nou kapab pran virus la. Pa gen traitman pou sida. gen médicament qui cap fè yon moun supporter maladie. Quel que soit jan ap fè l'amou ou ka pran sida. Depi moun ap fè l'amou avec li a infecté. Même si li même li poko malade. Garçon yo, pas oublier servir avec un capote. Sida sont question de la vie ou la mort. Pour plus d'informations sur l'affaire Sida, Relay Haitian Coalition on AIDS, dans 718-855-09-72, 718-855-09-72. Ou bientôt capable reler département la santé New York là dans 718 485 81 11, 718 485 8111. Coalition Haïtien sous Sida veut remercier tout le monde qui participait pour faire casse-tête ça possible. Département Santé Publique New York City, Marie-Edith Jean, Myriam Dorismé, Jean-Lucien Borges, Alex Etienne, Staff Haitian Coalition, Marie-Martin Sirdelpe, Dr. Claude Loiseau, et nous pas oublier un gros merci pour toute la nécessité pour musique Sida. Nous pas jamais d'accord ça, tout en savoir qu'on vivait.